Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous recevons maintenant Pierre Maslot. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre est étudiant au doctorat à l'INRS ETE et il participe au concours Ma thèse en 180 secondes. Alors comme son nom l'indique, ce concours en fait il s'agit de raconter en la vulgarisant sa thèse en 180 secondes, donc en 3 minutes. Donc 2, 3, 4 années de recherche qu'on rétrécit en 3 minutes. C'est un beau défi. C'est un concours international en plusieurs étapes. Donc il y a d'abord des concours au sein des universités dans toute la francophonie, puis une finale nationale dans les pays participants et ensuite la grande finale internationale qui aura lieu cet automne au Maroc. Alors pour l'instant, on en est au niveau des concours au sein des universités et Pierre a gagné le concours au sein de l'INRS ETE. Et en même temps, il a gagné la possibilité de dire sa thèse en 180 secondes à Futur Simple. Alors Pierre, vous êtes prêt ? Tout à fait. Alors c'est parti ! Bonjour. Donc si je vous demande ce qui tue le plus de monde au Canada, peut-être que beaucoup pensent au cancer ou aux accidents de la route. Mais il ne faut pas oublier les maladies cardiovasculaires, qui sont toutes les maladies qui touchent le cœur et les vaisseaux sanguins. Parce que ces maladies, en fait, représentent presque un décès sur trois au Canada de nos jours. Donc, il y a beaucoup de choses qui influent sur ces maladies cardiovasculaires. Par exemple, vous vous doutez que rester assis toute la journée devant la télé en mangeant des cochonneries, ça aide pas vraiment à s'en prémunir. Mais est-ce que vous saviez que la météo a aussi beaucoup d'importance dans le déclenchement des maladies cardiovasculaires ? J'en veux pour exemple la très forte canicule de l'été 2003 en France, qui a tué plus de 3000 personnes par maladie cardiovasculaire en moins de 3 semaines. Donc bon, après, quand on connaît ce genre d'exemple, on se dit qu'il est primordial de bien comprendre comment la météo influe sur les maladies cardiovasculaires. Et c'est là que j'interviens, avec mon outil magique, les statistiques. Parce qu'avec les statistiques, je peux chercher des associations entre la météo et le nombre de maladies. Mais vous vous doutez que c'est jamais simple. De la même manière que des maladies peuvent parfois se faire discrètes dans le corps humain, eh bien, ces associations peuvent aussi se faire discrètes dans les données. Donc là, que faire ? Eh bien, lorsque l'on suspecte une maladie chez un patient, on peut lui faire passer un scan, pour avoir une image plus détaillée de son corps. Eh bien, on peut faire quelque chose de similaire avec nos données. Si on prend en compte une série de données, par exemple une série de températures, eh bien, cette série contient différentes fréquences de variation. Elle varie quotidiennement, ou elle varie de manière saisonnière. Eh bien, avec mes outils statistiques, on peut séparer ces différentes fréquences de variation les unes des autres pour ensuite pouvoir chercher l'association au sein de ces fréquences séparées. Et c'est comme ça qu'on réalise notre scan statistique. Mais une fois qu'on a obtenu une image globale, eh bien cette image complète n'est pas forcément pertinente dans la recherche d'une maladie. De la même manière, toutes les fréquences qu'on a obtenues ne sont pas nécessairement pertinentes pour chercher cette association. Par exemple, si on prend des données d'hospitalisation, on en vient vite à la conclusion que les gens tombent beaucoup moins malades pendant la fin de semaine. Mais bon, ça, je pense que ça n'a rien à voir avec la météo. Donc, mes outils statistiques nous permettent également de pouvoir filtrer toutes ces fréquences indésirables. Finalement, une fois qu'on a bien repéré une maladie sur un scan, on n'est plus à même de pouvoir repérer son développement futur. De la même manière, quand on a bien compris l'association entre la météo et les maladies cardiovasculaires, on peut comprendre comment des changements dans la météo va influer sur ces maladies. On peut donc anticiper les effets des changements climatiques sur les maladies cardiovasculaires. Donc, comme ça, on peut voir que si les statistiques rendent malades beaucoup de scientifiques, elles aident quand même à diagnostiquer leurs données. Bravo. Merci. Bravo. Donc, voilà. Ah, 2 minutes 54. Donc, vous avez gagné quelques secondes. Vous aviez quelques secondes de rab. Donc, Pierre a gagné le concours l'INRS ETE. Mais il faut savoir qu'à l'INRS, il y a 4 centres. Donc, il y a 3 autres centres du côté de Montréal. Et cette semaine a eu lieu le concours général à l'INRS. Alors, malheureusement, Pierre, vous n'avez pas gagné ce concours à l'INRS. Donc pour vous, ça s'arrête un petit peu là. Oui, malheureusement. Bon, mais c'est un compatriote qui a gagné. Donc. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, celui qui a gagné le concours donc au sein de l'INRS, c'est Ilyes Tebich, qui vient aussi de l'INRS ETE. qui était donc le deuxième après vous. Là, c'était le deuxième à avoir gagné il était arrivé en deuxième position au concours INRS-ETE. Et donc, il se prépare, lui, pour la finale provinciale qui aura lieu au congrès de l'ACFAS en mai. Et nous le recevrons également à Futur Simple pour qu'il nous présente ses 3 minutes de thèse. Merci beaucoup, Pierre. C'était quand même une très belle performance. Ça m'a fait plaisir. De raconter sa thèse en 3 minutes. Donc, merci beaucoup, Pierre. Donc, je rappelle que Pierre est étudiant au doctorat à l'INRS. Nous faisons maintenant notre pause publicité sur CKRL au 89.1. Et au retour, Marie-France Sautil nous parlera de la consommation de viande et des conséquences sur l'environnement.